Elle écrase sa cigarette et recouche sa poupée, n'a plus peur de ces quelques mots d'amour qui me venaient du fond du cœur. Et la fumée monte en moi comme un petit matin où le soleil reviendrait vous parler d'éternité. Elle caresse les fleurs, amoureuse de la vie, elle s'en va apprivoiser les renards qui dorment seuls dans les sous-bois. Et son parfum monte en moi comme un vieux souvenir qui s'accroche à la mémoire et l'empêche de vieillir. Mais comment t'appelles-tu? Je ne me rappelle plus. Entre la tendresse et la mort, je perds le nord. N'avais-tu pas disparu? Je ne t'avais pas revu. Je n'avais que mes remords pour vivre encore. Elle me recueille des yeux, là tout au creux de sa main, et je pars me poser sur son visage. La mort est douce au fond des pleurs. J'irai lui chercher la lune pour veiller son sommeil. Je crois bien que je l'aime, que c'est bon la vérité. Mais comment t'appelles-tu? Je ne me rappelle plus. Entre la tendresse et la mort, je perds le nord. N'avais-tu pas disparu? Je ne t'avais pas revu. Je n'avais que mes remords pour vivre encore. Elle écrase sa cigarette, ne se souvient plus très bien qu'il pleuvait, me caresse le visage, me dit j'ai peur quand tu t'en vas. Puis elle parle au soleil et fait le sable chaud. Et je crois bien que je l'aime, mais à quoi servent les mots? Dis comment t'appelles-tu? Je ne me rappelle plus. Entre la tendresse et la mort, je perds le nord. Ne disparais jamais plus. Je crois t'avoir reconnu. Et puis je crois que tu m'aimes. Et moi je n'aimerai plus.